Mais voilà, deux plus communs. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، avant de commencer le cours de fiqh, un verset que j'ai dit tout à l'heure, فمن لا يجيب. Alors je pense que j'ai dit فمن لم يجيب, ça. Petite faïda que je voudrais dire, Al-Athimi rahimahullah, et un frère de il a tiré mon attention là-dessus, que nous le récompensons bien, c'est que quand il y a une erreur dans un verset, il faut corriger sur place. Évidemment, il y a des traditions qui changent, il y a tout, hein, et laissez la personne prendre ce. Surtout des fois, quand on est dans un micro, on a beaucoup de choses en tête. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a des gens autour, il y a beaucoup de. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai tiqué là-dessus, mais à côté de là, j'ai pas vraiment le question, c'est vrai, et les frères Allah, quand même, pas animés à l'aide. Et, mais, quand il y a même, évidemment, il y a sur le mois, Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, mais quand il y a même quelqu'un sur son ami, il a dit son mur, quand il se trompe un verset ou le chariot, puis il a une hésitation, etc. On a le droit de le dire. C'est arrivé une fois dans un autre pas, et l'imam ne trouvait plus le verset. Badiadar ou notre fatal. Et quelqu'un lui a dit le verset, et l'imam il a continué. Mais quand il y a. On peut faire le fatigue sur la personne, et quand il y a une. Parce que le Coran, on ne peut pas l'emporter de ma'ana, il doit l'emporter comme il est. Il doit citer, réciter comme il est. Donc, si quelqu'un dans un dans, même de la bonne manière, laissez-lui le temps de revenir, parce qu'il va se corriger, etc., tu le corriges gentiment. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pas quelque chose de mal, au contraire. Et la personne doit accepter, c'est ce qu'elle a besoin. D'accord? Et je remercie encore un peu le frère qui m'a donc, on était arrivé, on était arrivé où pour les frères qui étaient, voir si vous étiez. On était arrivé où? C'était le dernier scène qu'on a parlé. On était dans le chapitre Babou, qui va dire si un million on y a été, c'est ça? Ou on avait fini celui-là? On était dans celui-là. On est arrivé à Irtaklavou Aïda Akhtar, c'est ça? Est-ce qu'on a fini ça ou pas? On a fini 3 points. Awalan, Thanin ou Thalitha. Donc, on n'est pas arrivé, on est arrivé à la fin, qu'on a cité la personne sur le Maron, c'est ça? Et après, on s'est arrêté. J'ai eu pour un cadeau. Viens prendre quelque chose. Mais maintenant, avant que le sang qui se finisse. À toi aussi. Celui qui a par celui qui a droit, j'ai dit. Il est froid. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas plus d'Europe, il n'y a pas de place. Est-ce qu'on a dit la parole sur la Bouddha Aniyasiyan? Pour les frères qui ont le livre en arabe, c'est page 380, on est arrivé à la Bissalam, chez le Fouzan, qui est dans le monde, il dit la Bouddha Aniyasiyan, le wajib à Minalbi. فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. Qu'est-ce que dit le Cheikh Fouzan Hafidhahullah Ta'ala? Il est obligatoire d'avoir l'attention pendant la nuit du jeûne obligatoire. Pourquoi il est obligatoire? Voilà, donc il a bien, c'est bien précisé, on parle du jeûne quoi? Obligatoire. Il a dit qu'il est obligatoire d'avoir l'attention pendant la nuit du jeûne obligatoire, et donc s'il a eu l'intention de jeûner, mais ne s'est réveillé qu'après la montée de l'eau, alors il s'abstient, et son jeûne est valable, à l'exception de le boire, manger, etc. Et son jeûne est valable et complet avec la permission de l'Allah. Et puis il dit, بمشاهدتها أو غلب على ظني بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Il est recommandé de rompre le jeûne le plus tôt possible dès que le coucher du soleil est établi de manière certaine, en le voyant, ou parce qu'il est fondé à le croire en raison de l'information de quelqu'un digne de confiance, soit par l'appel à la prière, soit par autre chose. Et puis c'est un hadith, il dit d'après Sahih ibn Sa'd, qu'à l'évêque qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se précipiteront à rompre le jeûne. Et ce hadith, il est muttafaq alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwi 'an Rabbi 'azza wa jalla inna habba 'ibadati ilayhi a'jaluhum fitra. Il dit aussi un autre hadith comme preuve de cela. Et il rapporte la parole de son Seigneur, qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, le plus aimé par moi de mes serviteurs est celui qui se précipite le plus à rompre le jeûne. Il a rapporté par Tirmidhi, d'après Abdullah al-Kalalagri, une petite faïda ici hadithia, c'est que Cheikh Al-Bani l'a jugé faible. والسنة أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حس حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Ici, il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes mûres et fraîches, et s'il n'en trouve pas, alors avec des dattes sèches, tamar. Et s'il n'en trouve pas, alors avec de l'eau. Et c'est en raison de la parole d'Anas, Kalalagré, qui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rompait le jeûne avant de prier avec des dattes mûres et fraîches. Et s'il n'y avait pas de dattes mûres et fraîches, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y avait pas de dattes sèches, alors il buvait de l'eau par petites gorgées. Il est rapporté par Ahmed dans son Musnad et Abu Daoud dans son Sunan et terminé dans son Jami'. Et celui-ci est jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit: فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. Et s'il ne trouve ni date mûre et fraîche, ni date sèche, ni eau, il rompt alors son jeûne avec ce qui est disponible comme nourriture et comme boisson. Puis dit le cheikh, وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد. فيرتكب بذلك خطأ عظيما والتأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Il faut faire attention sur une chose importante ici, surtout que le Ramadan est proche, c'est pas garanti qu'on y arrive. Pourquoi c'est pas garanti qu'on y arrive? Hein? Le Ramadan n'est pas arrivé, Inch'Allah, avec nous, est-ce qu'on va arriver à Ramadan? C'est ça là, la mouchkila. Tout le monde va arriver à Ramadan. Wa'ina la siyami wa qiyami. Donc, on va dire que nous fassions arriver au Ramadan et qu'il facilite le jeûne, qu'il facilite le qiyam, etc. C'est pas garanti qu'on va y arriver, les rois, les rois. Il dit, il y a une chose ici au sujet de laquelle il est obligatoire d'attirer l'attention, c'est qu'il se peut que certains restent assis à table pour rompre le jeûne et aient leur dîner et délaissent la prière du Maghreb en congrégation à la mosquée. Et donc, ils commettent par cela une grave erreur qui est de rater la prière en congrégation à la mosquée. Et ils se privent d'une grande récompense. Et s'exposent au châtiment, et ce qui est légiféré pour celui qui jeûne, c'est de premièrement rompre son jeûne, puis d'aller à la prière, puis après d'avoir son dîner après cela, aller voir le repas complet. Et il dit, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, wa yustahabu an yad'uwa inda iftari bima ahad. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna lissa'imi inda fitrihi da'watun madura. ومن الدعاء الوارد أن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الطمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان fini ce chapitre. Alors peut-être qu'on aura le temps de faire le chapitre suivant, parce que je pense qu'il est... J'espère qu'il n'est pas trop long. On verra un jour. Non, mais c'est vrai. Donc, on était au passage où Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, et il est recommandé qu'il invoque, c'est-à-dire la personne qui est le jeûneur, qu'il invoque Allah au moment de rompre le jeûne, demandant ce qu'il désire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne a une invocation au moment de rompre son jeûne qui n'est pas rejeté. Comme Faïda, c'est rapporté par Ibn Majah, le hadith d'Abdul Muhammad, il est jugé faible par Cheikh Al-Bani. Et parmi les invocations rapportées, c'est de dire, oh Allah, pour toi j'ai jeûné et grâce à ta subsistance, j'ai rompu le jeûne. Il est rapporté par Abu Daoud et il est jugé faible par Cheikh Al-Bani. On ne va pas montrer pourquoi c'est que tu as fait la d'autres c'est Cheikh Al-Fawzan, c'est un grand savant, il a cité un hadith. Moi, je vous ai dit que Cheikh Al-Bani, il a cité un hadith. Donc, c'est la hadith. Vous allez voir, des fois qu'un cheikh considère un hadith comme naïf, l'autre le considère comme hassan, par exemple. Parce que le premier, il a jugé en fonction de son ilm qu'il était naïf, et l'autre, il connaît peut-être une autre chaîne de transmission qui a fait qu'il est monté au degré du hassan. Yani c'est... Cheikh Al-Bani lui-même, rahimahullah, il a deux volumes qui sont à Tarajwa'at. Vous connaissez ça? C'est tous les hadiths sur lesquels Cheikh Al-Bani est revenu de son vivant. Parce que Cheikh Al-Bani, il ne veut pas dire ah, mais livres sont imprimés, j'étais aux gens, c'est ça, merde, non. Au fur et à mesure de ses recherches, des fois, il changeait d'avis sur un hadith et il a refait des livres après pour corriger ce qu'il a dit dans certains livres. Parce que ces gens-là, ils cherchaient la vérité. C'est un alim, hakim, Allah lui a donné cette responsabilité, mais c'est l'ilm. Hein? Et évidemment, la taqwa qui va avec aussi, de juger sur ces ahadiths, de faire ce travail difficile et très important, de préserver la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de clarifier ce qu'il fait et ce qui est authentique. Mais après, ce ilm, et comme disait Cheikh Al-Bani, il dit « Inna l'ilm alayhi wa sallam ». L'ilm n'accepte pas l'âge de rigidité. C'est-à-dire que ça vient en fonction, ça change en fonction des informations qu'on a. Donc il se peut qu'il y ait une information qui arrive qui fasse que le jugement sur le hadith change. Et donc il dit, c'est cher, le prophète, ça se disait lorsqu'il rompait son jeûne, la soif est dissipée, c'est une doa que moi je m'étais déjà reconnu, les veines sont irriguées et la récompense persistera si Allah le veut. Et celui-ci, il est rapporté par Abu Daoud et il est jugé Hassan bon, par Cheikh Al-Bani. Et Cheikh termine en disant, et de telle manière, il convient aux musulmans qu'il apprenne les règles du jeûne et de la rupture du jeûne en termes de temps et de manière, afin qu'il s'acquitte de son jeûne de la manière légiférée et conforme à la sunna du messager d'Allah. Afin que son jeûne soit valable et que son action soit acceptée par Allah, car cela fait partie des choses les plus importantes. Et puis il cite un verset dans la traduction du sens est, en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Alors il nous reste presque 10 minutes, il reste un chapitre sur les annulatifs du jeûne. Et il reste aussi un chapitre au sujet de ce qui incombe à celui qui n'a pas jeûné en raison de la vieillesse ou d'une maladie. Alors je vous propose quelque chose, qu'on fasse le chapitre au sujet des annulatifs du jeûne. Et le dernier chapitre, on ne pourra pas le faire, mais le livre il est publié, il est disponible à l'Institut de Chocan, pour les frères qui veulent lire en français. Les frères qui font le lire en arabe, alhamdoulilah, ils l'ont en arabe. On va essayer au moins de faire « Babun fi mufsidat as-sawm », chapitre au sujet des choses qui annulent le jeûne. Il dit que les siyam et mufsidat sont yajib al muslimin al ya'rif yatajannabaha wa yahdhar minha li'annaha tufattiru as-sa'im tufsidu alayhi as-siyam wa hadhihi mufattirat minha. Donc il dit, il y a des choses qui annulent le jeûne et qu'il est obligatoire aux musulmans de les connaître afin qu'ils s'en écartent et qu'ils y prennent garde, car elles rompent le jeûne de celui qui jeûne et l'annule, et il y a parmi ces annulatifs, il faut les citer en tout cas une certaine partie. Awalan al-jima' fama tajama' as-sa'im batul as-siyam ولزم قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد رقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فلم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك بعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. Lorsque le jeûneur a un rapport sexuel, un coït, et on parle ici de coït, c'est-à-dire de pénétration, son jeûne est annulé et il est obligatoire de remettre le jeûne de ce jour au cours duquel il a eu un coït. Et une expiation lui est obligatoire. En plus du fait de remettre ce jour. Donc, c'est-à-dire qu'il ne doit pas non seulement faire le qada, remettre le jour, mais il doit aussi payer l'expiation. Et c'est de libérer quelqu'un qui est esclave, et s'il n'en trouve pas ou n'en trouve pas la somme, il est alors obligatoire de jeûner 2 mois de suite. 2 mois de suite. Et s'il n'est pas capable de jeûner 2 mois de suite en raison d'une excuse légiférée, il est alors obligatoire de nourrir 60 pauvres, en donnant à chaque pauvre la moitié d'un sa' de nourriture qui est mangée dans le pays. Et Charles Ibn Baz, rahmatullah alayhi, dit qu'un sa', c'est dans la mesure d'aujourd'hui un peu moins de 3 kilos. Alors, il y a peut-être des gens qui se sont posés la question quand j'ai parlé du coït, qu'est-ce qui se passe quand il y a une... c'est au monde des dînes, c'est des choses qu'on va apprendre notre religion. C'est pas les saints par fausse pudeur, il n'apprend pas ses points, il reste géré, il tombe dans une situation comme ça, il ne sait pas quoi faire. C'est que s'il y a une éjaculation, mais sans la pénétration, il dit ici, « Inzal al-mani ». Il dit, « Bissab al-taqbirin ou lamsin ostinna ou tikra al-nandal ». فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة لأن الكفارة لا تختص بالجماع والنائم تحتلم فأنزل فلا شيء عليه والصيام صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. C'est ça, alhamdulillah, l'insan sunni apprend ces honours à lui qui sont des honours fiqhiyya qui sont importantes. Comme ça, quand ça lui arrive, s'il ne doit pas le faire, il s'en écarte. Et si ça arrive, c'est des choses qu'il sait au moins comment se comporter. Et donc il dit, l'éjaculation, ici, en raison d'un baiser, ou d'un contact, ou d'une masturbation, qui est interdite dans l'islam, ou de la répétition d'un regard, si cela arrive, son jeûne est annulé. Et il est obligatoire de remettre le jour sans expiation. Car l'explication est spécifique au coït. Quant au dormeur, ça peut arriver que quelqu'un y dorme, il a un reste qu'on appelle en français des rues mouillées, etc. Il n'y a rien à cela et son jeûne est valide. Ça peut être une situation, quelqu'un fait une sieste pendant la journée, etc. Mais son jeûne est valide car cela est arrivé sans qu'il ne le veuille. Mais il est obligatoire de se laver de son état de grande impureté qui est djanaba. Et son siam, ainsi, le reste de son siam est sahih, c'est pas ça qui va annuler son siam. Et puis il dit, وَالْأَكْلُ أَوْ الشَّرْبُ أَوْ الشَّرْبُ مَتَعَمِّدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكُلْ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أَمَّا مَنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِيَامِهِ وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Maintenant, on a un autre cas, c'est le cas de celui qui mange et boit, et il y a deux situations ici. Il le fait de manière intentionnelle, première situation, c'est-à-dire qu'il le fait exprès. Et c'est en raison de la parole d'Allah, c'est-à-dire que celui-là, son jeûne, il est quoi? Il est annulé. En raison de la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, mange et buvez jusqu'à ce qu'il se distingue pour vous le fil blanc de l'eau du fil blanc de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais là, il y a un autre cas, celui qui le fait de manière intentionnel. Ça arrive, subhanallah. Quelqu'un, il est en état de jeûne, et il mange, il boit, puis il se rappelle. Des fois, il se rappelle pendant, et des fois, il se rappelle après. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Beaucoup de gens, par ignorance, qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent que leur jeûne n'est pas valide et remettent le jour. Eh bien, chers, ici, quant à celui qui a mangé et bu par oubli, cela n'influence en rien son jeûne. Et dans le hadith, celui qui oublie alors qu'il est en état de jeûne et mange ou boit, qu'il complète son jeûne car ce n'est que le fait qu'Allah l'a nourri et abreuvé. Donc Allah l'a nourri et abreuvé, il a l'azote de siyam, machallah. On a dit oublie. Et tout le monde sait qu'on oublie. Tout le monde dit s'il a oublié ou il n'a pas oublié. C'est pas qu'il a oublié. Il prétend qu'il a oublié. Non, on parle vraiment de celui qui ne fait pas attention, il a oublié. Et puis après, il se rappelle. L'oubli de voir d'acheter les hommes. Et puis il dit, وَمِمَّا يُفْتِرُ الصَّائِمُ إِصَالُ الْمَاءِ وَنَحْوِ إِلَى الْجُوفِ عَنْ طَرِيقِ الْأَنْفِ وَمَا يُسَّمَى بِالصَّعُوطِ وَأُخِذَ وَأَخْذُ الْمَغْدِيِّ وَأَخْذُ الْمَغْدِيِّ عَنِ طَرِيقِ الْوَرِيدِ وَحَقْنُ الدَّمِ عَنْ فِي الصَّائِمِ وَكُلُّ ذَلِكَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ لِأَنَّهُ تَغْذِيَةٌ لَهُ. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير مغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. Ici, il parle d'autre chose, il dit, et parmi les choses qui annulent le jeûne de celui qui jeûne, que l'eau ou quelque chose de similaire arrive dans l'abdomen par voie nasale. C'est ce qu'il appelle en arabe as-sa'ud. D'accord ? Un exemple, par exemple, médicament injecté dans le nez et qui a atteint l'abdomen. Aussi, il dit la prise de nutritifs par intraveineuse. Comme un genre de perfusion, intraveineuse, on appelle ça. Mais c'est quelque chose de nutritif. Il dit, il y a aussi la transfusion de sang dans le jeûneur. Tout cela annule le jeûne car c'est une nutrition pour lui. Il dit aussi l'injection nutritive dans le jeûneur car elle remplace la nourriture et cela annule le jeûne. Une injection nutritive. Et donc, quant à l'injection qui n'est pas nutritive, parce qu'il y a des injections qui ne nourrissent pas la personne, qui ne sont pas nutritives, il convient au jeûneur de s'en écarter afin de préserver son jeûne. Et en raison de la parole du professeur Asselin, laisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui ne suscite pas en toi le doute. Et donc, il la retarde jusqu'à la nuit. Et le hadith qu'il a cité ici, il est jugé authentique par Cheikh Al-Albani. Ensuite, il y a la mas'ala du hijab. Ou plutôt de faire sortir du sang du corps. Ikhraj ad-dami min al-badan. Bihijamatin ou fasdin ou sahbi dam yatabarra bihi li sa'afi marid. فيفطر بذلك كله. وما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج دم غير اختياري برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. Faire sortir du sang du corps par une hijama ou une phlébotomie, c'est-à-dire une saignée veineuse, ou le prélèvement de sang afin de le donner pour porter secours à un malade. Tout ceci annule le jeûne. Quant à faire sortir du sang en petite quantité, comme ce qui est prélevé par exemple pour une analyse, cela n'influence pas le jeûne. De même, le saignement qui n'est pas intentionnel, en raison par exemple d'un saignement de nez, ou d'une blessure, ou de l'arrachage d'une dent, cela n'influence pas le jeûne. Il dit aussi, et parmi les mufattirat, at-taqayyum, wa istikhraj ma fi al-ma'dati min ta'am aw sharab an tariqa al-fam muta'ammida, fa hadha yafṭuru bihi as-ṣāmim. أما إذا غلبه القي وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقول صلى الله عليه وسلم من درعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. Parmi les annulatifs du jeûne, se faire, en français, oui, se faire vomir. Et se faire, on n'a pas dit vomir, on a dit se faire vomir. Et se faire sortir ce qui se trouve dans l'estomac en termes de nourriture ou de boisson par la bouche de manière intentionnelle. Cela annule le jeûne de celui qui jeûne. Mais le vomissement a lieu de manière qui a lieu de manière non intentionnelle, et que le vomi, on répète la phrase, mais si le vomissement a lieu de manière non intentionnelle, c'est pas voulu de sa part, et que le vomi sort sans sa volonté, alors cela n'influence pas son jeûne en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui est dépassé par le vomissement, il n'a pas, et c'est pas lui qui a voulu se faire vomir, mais il a vomi, il ne doit pas remettre le jeûne, et celui qui se fait vomir de manière intentionnelle, qu'il remette le jeûne. Mais ce hadith aussi est jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et le sens de est dépassé par le vomissement, c'est-à-dire que le vomi sort sans sa volonté. Et le sens de se fait vomir, c'est-à-dire vomit de manière intentionnelle. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداومة العين ومداوات العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام، محافظة على الصيام. Parmi les recommandations aussi, il convient que le jeûneur s'abstienne de se parer de kohl, et de soigner les yeux avec des gouttes ou autres au moment du jeûne afin de préserver son jeûne. Et puis il dit aussi, ici il parle de ce qu'on appelle la madmada. Le madmada, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il explique que c'est de faire entrer de l'eau dans la bouche, puis de la rejeter par la bouche. C'est ce qu'on fait notamment dans le wudu. مضمضة. دونك il dit aussi l'istinsha, c'est quoi l'istinsha? C'est Cheikh Uthaymin, il dit que c'est d'aspirer de l'eau en respirant par le nez. Et bien ces deux choses là, qu'il n'aille pas loin en faisant mazmada et l'istinsha, qu'elle se doute que l'eau aille dans son abdomen. Il faut que tu fasses attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, va loin dans l'istinsha, hein, sauf si tu jeûnes. Et le hadith, il est authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Alors maintenant, qu'est-ce qui concerne le siwak? Il dit le cheikh ici, « وَالسِّوَاكُ لَا يُؤَدِّرُ عَلَى الصِّيَامِ بَلْ وَمُسْتَحَبٌ وَمُرَغَبٌ فِيهِ لِلصَّائِمُ غَيْرِ فِي أَوَلِ النَّهَارُ وَأَخْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ » Selon l'avis qui est correct, cheikh dit, c'est que le siwak, il n'influence pas le jeûne. Mais au contraire, il est recommandé, il y a un sujet d'incitation pour le jeûneur ou autre que le jeûneur, au début de la journée et à sa fin, selon l'avis qui est l'avis correct. Et puis il dit, وَلَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ غُبَارَ أَوْ ذُبَابَ لَمْ يُؤَدِّرْ عَلَى الصِّيَامِ. Et si de la poussière ou une mouche vole vers son gosier, à l'intérieur de sa bouche, cela n'influence pas son jeûne. Et puis il dit, وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ اجْتِنَابُ كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَشَتْمٍ وَإِنْ سَأَبَهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ولكن ليس عليه ترك ما اعتاده من الاقوال والافعال الرديئه ولهذا قال بعض السلف اهون الصيام ترك الطعام والشراب فعلى المسلم ان يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمه ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. Il est obligatoire au jeûneur de s'écarter du mensonge et de la médisance et de l'insulte. Et si quelqu'un insulte, qu'il dise « je jeûne ». Certaines personnes peuvent trouver facile de s'abstenir de manger et de boire, mais pas de délaisser ce dont elles ont l'habitude en termes de mauvaises paroles et de mauvaises actions. Et c'est pour cela qu'un vieux prédécesseur l'a dit, le jeûne le plus facile est de délaisser la nourriture et la boisson. Il est donc obligatoire de musulmans de craindre Allah et de sentir la grandeur de son Seigneur et qu'il le voit à tout moment et à tout instant, et donc qu'il préserve son jeûne de ce qu'il annule ou le diminue afin que son jeûne soit valide. Il dit aussi, وينبغي للصائم ان يشتغل بذكر الله وتلاوه القران والاكثار من النوافل فقد كان السلف اذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه وذلك لانه لا يتم التقرب الى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحه في غير حاله الصيام الا بعد بترك محرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وحرامهم. روي عن أبي هريرة مرفوعا الصائم في عبادة من لم يغتب مسلما أو يؤذيه. وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال يكون في عداد الصائمين حقا. On a dit quoi ici? Que Cheikh Fouzan dit, il convient à celui qui jeûne de s'occuper à évoquer Allah Azza wa Jalla, et à invoquer Allah Azza wa Jalla, et à réciter le Coran, et à multiplier les prières surrogatoires. Mais c'est bien de se poser la question par rapport au Ramadan passé, combien de fois pendant le Ramadan on a terminé le Coran, et depuis le Ramadan passé, combien de fois on a fini le Coran? Cheikh Al-Fawzan, il dit que si une personne, il on parle de lire ici, hein. il lit pas le Coran au moins une fois en un mois, si j'ai bonne mémoire, il y a des qui rentrent dans le fait de délaisser le Coran. Ça fait combien? C'est un mois. Hein. Et ça fait combien un mois? Ça fait un? Un juz par jour. On parle de lire ici. Hein? C'est-à-dire tu rentres comme si tu as juste le Coran, t'as pas le côté de délaisser le Coran. Combien d'entre nous sont dans ce cas-là? Allah Musta'an. Certains machines, ils ont dit même qu'il convient pendant Ramadan de lire le Coran et de lire un tafsir avec. Par exemple, au moins dans un tafsir facilité, par exemple, pas de ma'ana, directement qui te donne le sens, comme par exemple le tafsir de Sa'di Rahimahullah, eh bien, il convient, comme certains machines ont dit, que tu finisses le Coran, que tu au moins finis une fois de lire et une fois le tafsir de Sa'di ou de Kathir. Qui d'entre nous fait ça? voilà ça pour nous motiver, pas pour nous rabaisser, pour nous motiver, qu'on essaie à... Chacun en fonction de ses possibilités. Celui qui n'arrive pas, au moins il s'en rapproche. Et donc il dit ici, il a multiplié les prières sur l'orgatoire. Les plus prédécesseurs, lorsqu'ils jeûnaient, c'est s'installer dans les mosquées et disaient, nous préservons notre jeûne et nous nous médisons au sujet de personne. Le prophète s'en a dit, celui qui ne délaisse pas la fausse parole et sa mise en pratique, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et c'est en raison du fait que le fait de se rapprocher d'Allah le Très-Haut en délaissant ses désirs qui sont licites, en dehors du temps de jeûne, ne peut s'accomplir qu'après s'être rapproché de lui en délaissant ce que Allah lui a interdit en tout temps. Comme le mensonge et l'injustice, et l'oppression envers les gens, dans leur sang et leur bien et leur honneur. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Il a été rapporté d'après Abu Huraira que le prophète Sassam a dit, le jeûneur est en adoration tant qu'il n'a pas médit au sujet d'un musulman et ne lui a pas causé de tort. Alors, c'est le premier hadith, j'avais dit qu'il était rapporté par Bukhari, ça j'ai dit. Il était rapporté par Bukhari d'après Abu Huraira. Et cette parole ici de ce hadith de Abu Huraira qui est marfoua, il est rapporté par Dailani dans Musnad al-Firdaws. Et aussi par Ibn Abi Shayba, min qawli Abi al-Aliya. On continue, d'après Anas, que le prophète Sazen a dit, n'a pas jeûné celui qui passe son temps à manger la chair des gens. Et celui-ci est jugé faible par Cheikh l'Albani Rahimahullah. Et donc le jeûneur délaisse les choses qui lui sont licites en dehors du jeûne, et donc il est plus en droit qu'il délaisse les choses qui ne sont jamais licites, afin qu'il soit compté parmi les vrais jeûneurs. Et avec cela, on a fini ce chapitre. On a dépassé l'horaire de tout le week-end de 10 minutes, de 11 minutes, donc on va s'arrêter là, le temps que vous fassiez le salam entre vous, discuter entre vous, mais c'est de partir avant vous, Inch'Allah, pour ne pas déranger le voisinage. Et je voudrais remercier tous les frères et toutes les sœurs qui sont venus, il y a des frères qui sont venus de loin, il y a des frères qui sont venus 100 km, qui sont venus de Brest, il y a des frères qui sont venus de Lille, il y a des frères qui sont venus d'une rue, il y a des frères qui sont venus d'autres villes de Belgique, et sûrement des sœurs aussi, je ne sais pas, qui sont venus, etc. Et aussi remercier Annie pour tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont aidé de près ou de loin, et surtout le staff Zamorhan qui ont travaillé à Lille longtemps avant l'ouverture du Merkez, et puis depuis l'ouverture du Merkez, et puis aussi pour la préparation de ce séminaire. Certains de nos frères ici rentraient pendant 1h, 2h du matin. Zamorhan, j'ai beaucoup de respect pour eux et pour ce qu'ils font. Et faites doua pour eux, Inch'Allah, pour tous les gens qui. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail d'organisation comme ça, dans un pays dans lequel on est, comme la Belgique, il y a beaucoup d'administratifs. Beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses qu'il faut faire attention, et beaucoup de normes, etc., qu'il faut respecter, sans parler de la situation financière, etc. Et donc, allez, faites de la bourse, je profite pour remercier tous les gens qui sont venus. Et s'il y a un tarcère de l'Ezra, un manquement, une diminution, une erreur, allez, que les gens nous pardonnent et qu'ils n'en prennent pas une excuse ou une raison pour ne plus venir, etc. Et donc, comme on a dit, tous les mois, Inch'Allah, les dates sont annoncées sur Facebook. Sur le site Inch'Allah. Tous les mois, bi'inillah ta'ala, un séminaire de plusieurs jours, peut-être une semaine, Inch'Allah, ici au Merkez Balkan. Et de manière générale, toute l'année, il y a des modules d'arabe, de tijwid, et il y a des halaqas de tahfidh al-Qur'an pour les hommes et les femmes, bientôt pour les enfants aussi, Inch'Allah. On essaie de travailler pour organiser pour les enfants pour la rentrée, Inch'Allah. C'est un programme et qu'ils puissent venir profiter aussi, Inch'Allah. Donc, il y a tous les niveaux. Dans l'arabe, ça commence de l'alphabétisation jusqu'à des niveaux avancés de langue arabe. Alhamdulillah, il y a certains de nos sœurs, certains de nos frères qui ont étudié le Coran et qui ont étudié le tijwid et qui enseignent ici. Certains notamment qui sont imams dans le Tarawih. Et donc, alhamdulillah, il y a trois niveaux de tijwid. Il y a un premier niveau, un deuxième niveau, le débutant premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et dans le Coran, c'est pas de module, c'est toute l'année. Et donc, il y a des ustades qui sont là et qui aident les gens à mémoriser le Coran tout au long de l'année jusqu'à ce qu'ils finissent et après le revoir, Inch'Allah. Donc, vous êtes le bienvenu ici. Il y a un site si vous voulez vous renseigner, merkez.be, pour toutes les activités du Merkez. Sinon, vous pouvez venir ici. Les frères à la réception ou les soeurs à la réception, ils vous accueilleront, Inch'Allah. ils vous expliqueront tout ce qu'il faut vous expliquer. Et vous pouvez venir visiter, il faudra créer un badge de visiteur pour respecter certaines normes, etc. Dès que vous venez à la réception, vous pouvez vous faire un badge, vous pouvez visiter, voir un peu la caisse. Ici, c'est fermé parce que bon, on a dû fermer, etc. Vous pouvez déjà voir un peu les classes ici, etc. C'est des très grandes classes, machallah. Je pense que ça m'a fait assez confortable, alhamdoulilah. Donc, pour, il y a des enseignants qui sont une partie des gens de la sunna. Donc, alhamdoulilah, c'est une opportunité pour les gens qui veulent apprendre. C'est une opportunité pour les gens qui veulent apprendre. Et on essaie en général de faire des horaires qui soient adaptés aux gens. C'est pas toujours possible, on essaie en tout cas de. Et on va essayer, inshallah, bi-nidlata'ala, de toujours s'améliorer. Il y a souvent des journées de formation avec le staff ici. Parce que moi j'étais enseignant en Angleterre pour une dizaine d'années. Et c'est mon métier à la base. Et donc, on fait des formations pédagogiques avec les enseignants pour essayer d'améliorer, etc. Et. Allez, je vous le dis quand même, mais normalement, j'avais demandé à. J'avais essayé pour qu'on les cherche un peu au téléphone ce week-end. Ça ne s'est pas fait pendant le mois. J'ai envoyé certains machères que je connais pour parler chez ma mère. Et ça ne s'est pas fait pendant le mois. On essaiera, pour les prochains séminaires, d'avoir des gens ici sur le téléphone. C'est important, c'est très très important. D'accord ? Pour cette fois-ci, on s'excuse. Annie, je n'ai pas voulu lancer, mais on annonce que c'est sûr. Donc, c'est pas voulu lancer, mais c'est pour vous dire qu'Annie, c'est pour ça que quelqu'un va se poser la question, on va dire, ah, on a pu être au téléphone avec les machères, on a pu être des salades, etc. Inch'Allah, il y a aussi des, qui est prévu, Inch'Allah. Certains machères qui m'ont déjà promis de le faire, Inch'Allah, de faire des livres avec vous au téléphone. C'est-à-dire de faire des séries carrément, et pas qu'une allocution téléphonique ou l'intervention. De faire une série de livres, Inch'Allah. On a ouvert le marché, c'était la priorité. Maintenant que c'est ouvert, Alhamdulillah, on va essayer de le garder ouvert, on va essayer de monter en puissance petit à petit, d'organiser, de faire les choses petit à petit, chez. De faire tout vite comme ça, c'est pas bon. Hein? Ça va. Et Annie, aider le marché, comment? Doua. Et si vous connaissez des gens qui veulent apprendre, de les envoyer ici, Alhamdulillah, de soutenir moralement, financièrement, vos frères, vos soeurs ici, etc. Et doua, et de participer, et de d'encourager le staff qui est ici, parce que ça leur fait du bien de entendre des paroles à dire. Mais, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut déjà raconter, qui sont déjà arrivées dans cette caisse, qui nous ont touché, Alhamdulillah, mais il est déjà tard maintenant, on a la fin de la doua. Moi, je sais comment on fait, quand je vous préserve tous. حفظكم الله ورسوله الله أعلم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك